RCF. La mémoire protestante en Orléanais est une association qui accueille tous ceux qui intéressent l'histoire du protestantisme. Alors à l'occasion du 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, elle organise notamment une conférence. Sa présidente Gracieuse Moulin est l'invitée de notre rédaction. RCF Loiret, Gabrielle Laprade. Gracieuse Moulin, bonjour. Bonjour. 450e anniversaire cette année du massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment a débuté à Paris cette guerre de religion et comment elle s'est emparée de la province et notamment d'Orléans? Alors, les guerres de religion, c'est une longue histoire puisque dans la deuxième partie du XVIe siècle, 8 guerres de religion de 1562 à 1598 entrecoupé de périodes de paix avec des édits de pacification plus ou moins appliqués. Donc la Saint-Barthélemy a lieu pendant une période de paix en 1572. Deux camps qui se sont affrontés, le camp des ultra-catholiques mené par la famille des Guise et le camp des Huguenots avec à sa tête le prince de Condé et Gaspard de Coligny principalement. Et donc comment c'est arrivé à Orléans? Comme nous étions en période de paix à cette époque-là, pour sceller un peu l'union du pays, Catherine de Médicis, donc la catholique, et Jeanne d'Albret, la protestante, ont eu l'idée de l'union d'un mariage mixte, l'union de leurs enfants, Marguerite de Valois, donc fille du roi Charles IX et de Catherine de Médicis, et Henri de Navarre, donc fils de Jeanne d'Albret, le protestant, c'est le futur roi Henri IV. Donc ce mariage a eu lieu le 18 août 1572, en présence de tous les nobles protestants, les chefs des partis du parti protestant qui étaient venus à Paris à cette occasion. Donc il y a eu des festivités qui ont suivi ce mariage, mais Gaspard de Coligny a été victime d'un attentat. Il a été blessé par un proche des Guise. Le roi l'a assuré de son soutien tout de suite. Mais deux jours après, suite à certainement la peur d'une révolte des protestants suite à cet attentat, le roi et le conseil du roi ont décidé de tuer tous les chefs protestants présents à Paris. Donc au départ, ça devait être non pas une tuerie générale comme ce qui s'est passé ensuite, mais l'élimination de quelques chefs protestants, moins d'une centaine. Mais le peuple parisien, voyant que Gaspard de Coligny était tué et tous les chefs protestants, se sont crus autorisés à faire un massacre généralisé. Voilà, ça c'est pour Paris et ça a fait boule de neige. La nouvelle est arrivée à Orléans et la tuerie s'est déclenchée aussi à Orléans. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont décédées dans ces affrontements? Alors Paris, on dit 3000 victimes, c'est toujours difficile de dire des chiffres exacts. Hein. Et Orléans est la deuxième ville après Paris pour le nombre de victimes. Les historiens, et d'après les sources, on parle entre 700 et 2000 victimes, mais on s'accorde plutôt à 1000 victimes, ce qui est déjà énorme. Absolument. Et qu'est-ce qui peut expliquer ce bain de sang, particulièrement à Orléans? De façon générale, par rapport, parce qu'il n'y a pas eu qu'Orléans, hein, Lyon, Rouen, Bordeaux, beaucoup d'autres villes de province ont connu ces massacres. C'était pendant une période de paix, un massacre contre des civils, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de rancœurs accumulées suite aux premières guerres de religion, où Orléans s'était retrouvé capitale du protestantisme français. Du côté catholique, ces rancœurs venaient beaucoup de la destruction des édifices religieux, notamment de la cathédrale. Destruction partielle souvent et beaucoup d'iconoclasme, destruction des statues, des rétables, des tableaux, enfin beaucoup de dégâts avaient été faits dans toutes les églises d'Orléans. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque parce que ça semble horrible, mais pour un catholique de l'époque, tuer un protestant, c'était quelque part gagner son salut. C'était extirper de l'hérétique le diable. Donc il y avait ces raisons religieuses, mais bon, on peut dire que pendant ce massacre, il y a eu d'autres d'autres composantes, d'autres motivations, en particulier de la populace pour le vol, le pillage. Mais l'aval a été donné par les autorités de la ville qui se sont réunies et qui ont donné le coup d'envoi des massacres grâce aux milices bourgeoises organisées déjà depuis 1569 pour la défense de la ville. Il y avait 48 escouades qui ont quadrillé la ville et qui ont systématiquement tué tous les protestants. Ceux enfermés chez eux ont été débusqués. Enfin, ils ont été tués de façon horrible. Je ne donnerai pas de détails. Ça a été vraiment très, très sanglant sur Orléans. Et combien de temps ont mis les tensions entre catholiques et protestants pour se calmer ? Alors, en ce qui concerne la Saint-Barthélemy, on dit que le 31 octobre, les églises d'Orléans, catholiques, bien sûr, étaient pleines de veuves et d'orphelins. Les veuves pour la abjuration et les orphelins étaient rebaptisés à nouveau. Et historiquement, est-ce qu'il reste des traces du massacre de la Saint-Barthélemy à Orléans ? Alors, historiquement, ce qu'on dit comme trace, on peut parler du Campo Santo, l'ancien grand cimetière, puisque c'est le lieu où un grand nombre de victimes de la Saint-Barthélemy ont été enterrées dans un charnier. Des charrettes parcouraient les rues pour ramasser les cadavres, pour éviter des maladies qui étaient à l'époque fréquentes. Beaucoup de corps avaient été aussi jetés à la Loire, mais de lieux précis. On sait que dans l'ancienne porte Saint-Vincent, des cadavres avaient été jetés par-dessus les remparts. Dès le début, là, c'est le lieu où les protestants avaient été réunis pour être massacrés en nombre. Et donc, à l'occasion du 450e anniversaire, la mémoire protestante en Orléanais, dont vous êtes la présidente, je le rappelle, y consacre une conférence demain à 18h. Elle sera animée par Marianne Carbonnier-Burcard, maître de conférence honoraire à la faculté de théologie protestante de Paris et vice-présidente de la Société de l'histoire du protestantisme français. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle va raconter la Saint-Barthélemy ? Elle a des témoins, je crois savoir ? Ce qui est parvenu jusqu'à nous, c'est trois récits, trois témoignages de ces terribles événements à Orléans. Un témoignage d'un pasteur, le pasteur Toussaint, un témoignage d'un anonyme qu'on attribue à un chanoine, et un troisième témoignage, celui d'un étudiant, puisque l'université d'Orléans était très importante à cette époque-là par le droit civil. Donc cet étudiant, jeune Willem Bodsheim, venait de Strasbourg et était procurateur de la nation germanique. Et il a fait un récit très détaillé de ces événements. Et donc je pense qu'elle va s'appuyer sur ces trois sources qui sont dans les archives. Alors, si des personnes sont intéressées, comment doivent-elles s'y prendre ? Il faut venir au Temple d'Orléans, mardi à 18h. Voilà, donc Marianne Carbonnier-Burcard est déjà venue à Orléans, aux archives départementales du Loiret, pour faire une autre conférence sur le protestantisme. Et c'était passionnant, donc j'invite tout le monde à venir l'écouter. Et je crois savoir que cette conférence n'arrive pas seule. Elle n'est pas seule puisqu'elle se situe donc dans le cadre du 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy. Et dans ce cadre, dans le Temple d'Orléans, il y a une exposition qui a été faite conjointement avec le château de Sully-sur-Loire sur les guerres de religion et sur la Saint-Barthélemy à Orléans, notre sujet, par Mémoire protestante en Orléanais. Donc cette exposition est visible le samedi après-midi entre 15h et 18h jusqu'au 26 novembre. Très bien, merci pour ces précisions et merci beaucoup d'avoir été l'invité de notre rédaction, Gracieuse Moulin. Merci à vous de m'avoir invité.